Chapitre 3e. La comtesse d'Angis n'aimait pas M. de Mornay. Elle avait froidement sacrifié Ève à sa vanité. Si Adam n'eût pas été duc, ce roman, né d'un caprice et d'un accès de coquetterie, n'aurait point été au-delà du premier chapitre. Mais le titre de duchesse met un tabouret en perspective à la cour, mais la gloire de fixer un volage lui donnait des vertiges. Quelle femme eût résisté à cette triple tentation? Amarante ne résista pas et son mariage fut définitivement arrêté. Ce jour-là, l'hôtel de Nangis avait revêtu son plus bel habit de fête. Étincelant de lumière, les appartements et les jardins semblaient avoir emprunté leur magique décoration au palais d'Armide. Les rampes des escaliers avaient disparu sous de riches tentures, et depuis le vestibule jusqu'au salon s'échelonnaient, gradins embaumés, 1000 corbeilles de fleurs. Entourée, choyée, adulée comme une reine, Amarante paraissait embellie encore par son triomphe. On n'attendait plus que le futur. Une voiture entra dans la cour. « C'est lui !» crièrent 20 voix. Ce n'était pas le duc. Une légère expression de dépit contracta les lèvres de la comtesse. Le cortège devait se mettre en route pour l'église à 8 heures du soir. 8 heures sonnèrent et pas d'Adam. Amarante tressaillit. La pendule marqua 9 heures et le duc n'arrivait pas. Amarante étouffait. Qu'était donc devenu M. de Mornay? Au moment où il se disposait à se rendre à l'hôtel de la comtesse, on lui avait remis un billet conçu en ces termes. « La marquise est à toute extrémité. Vous êtes un monstre. » Cet étrange billet, sans signature, faillit priver Adam du peu de raison qui lui restait. Il crut d'abord à un piège tendu à son inconstance par Madame de Nangis. Puis, le soupçon lui vint que c'était une mystification de la maréchale. Après avoir flotté quelque temps entre ces deux suppositions, il résolut de savoir au plus vite à quoi s'en tenir sur le compte d'Ève, oubliant son mariage, oubliant son amour, Amarante qui l'attendait, ses grands-parents invités à la cérémonie, il accourut, tout effaré, chez la marquise. En touchant le seuil de cette demeure où il avait passé de si doux instants dans la contemplation d'une femme tendrement aimée, son cœur battit bien fort. Un valet qu'il ne connaissait point lui demanda d'un air sinistre ce qu'il voulait. « Je désirais parler à Madame de Pontchartrain, » lui répondit le duc tout décontenancé. « Monsieur serait-il ce fameux médecin hongrois que nous attendons si impatiemment ?» poursuivit le valet sans bouger, et d'un air qui donnait clairement à entendre Adam que s'il n'était point le personnage en question, il ne parviendrait pas auprès de la marquise. Aussi, dominant son émotion, répondit-il sans hésiter qu'il était le médecin hongrois qu'on attendait. « En ce cas, répliqua le valet, je vais prévenir madame de votre arrivée. » Et il laissa le duc seul et en proie à la plus affreuse anxiété. Ève, le front appuyé sur sa main droite, était plongé dans une sombre préoccupation lorsque Valentin accourut. « Il est là, madame la marquise, » lui dit-il. « Qui ? » répondit-elle en relevant vivement la tête. « Le fameux médecin hongrois. Ah, mon Dieu !» s'écria-t-elle en quittant son fauteuil. « Il est là, et la maréchale n'est pas encore arrivée. Mais à quoi songe-t-elle ? M'abandonner dans un pareil moment ? Que faire ? Que devenir ? Là, là, là ! Rassurez-vous, toute chère. » dit madame d'Alvincourt en ouvrant la porte. « Je viens à votre secours, avec ma femme de chambre et mon cocher. » Puis, s'adressant à Valentin, « Tu vas retourner près de lui, » continua-t-elle, « et tu ne l'introduiras au salon que sur mon ordre. » Valentin se retira. « Ainsi vous persistez dans votre dessein ?» dit Ève à la maréchale. « Plus que jamais, chère belle. Mais nous n'aurons jamais le temps de nous préparer. 5 minutes et tout sera fait, » interrompit madame d'Alvincourt. « Allons, venez. » Et surtout, gardez bien votre sérieux pendant la petite représentation que nous lui donnerons, ou tout serait perdu. » Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que la porte du salon où se tenait la marquise s'ouvrit. « Le docteur Veldon, » dit Valentin. Le duc de Mornay entra.